Allô, bonjour. Bonjour, professeur. Bonjour, comment tu vas? Ça va pas la grâce de Dieu. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient multipliées. Amen. Mais c'est matinal, tu es matinal ce matin. Comment vous allez de Je tout suis bien? toujours matinale avec mes horaires de travail. Je ne Oui. fais pas dormir jusqu'à 10 h. Et comme je dois aussitôt prier Oui. dans mon organisme habituel. Ok. Même aujourd'hui, je me suis même levée tard, 8 heures passées. Raccommandante. Parce que j'ai un peu veillé tard aussi. Tu es encore dans le lit? Non, non, je suis à la cuisine. J'étais en train de faire Justement le parce que lait à la petite. parce que je vois comment il y a la variation, je suis et apparemment la variation dans le Non, c'est parce que j'ai pas mis de lumière. Pardon? C'est parce que j'ai pas mis de lumière, en fait. Je suis à la cuisine, là. Ok. C'est comment je suis à ton service maintenant ce matin. Comment tu vas? Raconte-moi tout. Ah, frère, j'étais bien. Je sais que c'est le Seigneur qui contrôle toutes choses et tout. Oui. Bon, sauf que j'ai vraiment besoin d'être en assemblée de prière, en fait. Oui. J'ai besoin de ça parce que c'est que j'ai besoin de délivrance. Tu sais, j'ai écouté le témoignage du frère William hier. Oui. C'est un témoignage qui m'a édifié. Oui. Je me suis ressentie dans ce témoignage. J'ai dit que, mais Seigneur, ça, c'est mon histoire. Oui. Oui. C'est ton histoire dans quel sens? C'est-à-dire que je me suis retrouvée, je me suis reconnue dans certaines choses qu'il disait. Oui. Et même quand tu faisais sa délivrance, je me suis dit que, mais moi-même, c'est-à-dire que quand j'entendais tout ce qu'il vivait avant qu'il ne soit totalement délivré, Oui. c'est les mêmes choses que moi je vis, hein. Oui. Depuis que je vais de dénomination en dénomination, je suis toujours en train de tomber, tomber, je grogne. Parfois, mon visage se déforme et tout, mais je ne suis jamais délivrée. Oui. Alors, Ils pensent que je suis délivrée, mais je ne suis pas. Moi-même, en mon enfant, je sais que je ne le suis pas. Alors, maintenant, je veux que, puisque tu n'es pas seul dans ce cas-là, comme le cas du frère William, raconte-nous Oui. exactement ce qui est arrivé, ton parcours. Comment tu as vécu ton parcours? Raconte-nous tout. Comment j'ai vécu mon parcours, en fait? En fait, tu sais, comme tout le monde, on vient de l'Église catholique. Oui. Okay? Non, je vais un peu te raconter mon parcours du début. Oui. Parce que j'étais une petite fille. Quand j'étais petite à l'école, j'étais pas intelligente du tout. Oui. Oui. Je faisais beaucoup l'école buissonnière parce que j'avais un maître qui était sévère. Et j'ai grandi, en fait, dans la bêtise. Oui. Mon père m'aimait beaucoup, certains, Oui. mais je ne comprenais pas pourquoi j'étais aussi bête à l'école. J'avais des cinq, mais oui, j'avais cinq de moyenne. Tu dis ça de Je quand même? volais beaucoup aussi. Très tôt, j'ai commencé à voler. Je volais les pièces d'argent dans les sacs de mes mamans. Je voulais l'acheter les bonbons, les caramels et autres. Oui. Et quand j'ai commencé à grandir, mon parcours scolaire a été très difficile. Je faisais beaucoup de choses par volonté. Oui. Et comme aussi je venais d'une famille où les parents avaient divorcé, Oui. dont mon père avait notre garde, et moi je n'ai pas vécu avec ma mère. Oui. Donc je n'ai connu ma mère que lorsque j'avais peut-être 14 ans, 15 ans, 16 ans. Oui. Et quand j'ai donc rencontré ma mère, il y a aussi d'autres problèmes qui se sont posés. Mon père était jaloux parce que voilà, ma mère était présente et tout. Et il m'avait chassé de la maison. Oui. Oui, quand ma mère m'a chassé comme ça, ma mère m'a récupéré. J'ai donc commencé à l'habiter dans la famille de ma mère. Oui. Et ma mère comme je n'étais pas habituée à vivre à Douala parce que ma mère, elle vit à Douala. Oui. Moi, je vivais à Yaoundé et elle m'a laissé vivre chez son oncle, Oui. chez son frère, pardon, Oui. chez son grand frère. Et c'est de là que j'ai préparé mon BPC que j'avais eu et je suis allée au lycée technique. Et quand j'habitais aussi chez mon oncle, la vie n'était pas rose parce que j'habitais chez mon oncle. Oui. Ses enfants me menaient un peu la vie difficile. Je sentais que je n'étais pas. Il me montrait qu'écoute, tu n'es pas chez toi. Et quand mon père travaillait au ministère des postes et qu'il n'était pas loin de la maison de mon oncle parce qu'il habitait au lac, Oui. Au C'est comme lac, ça que de temps en temps. le lac c'est la petite zone qui est derrière le ministère de l'Éducation nationale à Yaoundé. Voilà, oui, tout à fait, oui. Comme il travaillait au ministère de la Santé, en fait. Oui. Oui, on l'avait logé là-bas. Qui travaille au ministère de la Santé? Parce que j'ai entendu tout à l'heure, tu as Pour pris un le frère de poste. mon père, mon nom, pardon, le frère de ma mère, chez Oui. qui j'habitais. Et ton père travaille au ministère des postes. Oui, mon père travaillait au ministère des Postes, Ok. qui n'était pas loin de là. Ok. Parce que comme il y avait eu coupure avec mon père, je me suis dit que bon, il faut que j'essaie quand même d'aller lui rendre visite de temps en temps. Parce que mon père était un homme très rigoureux, Oui. sévère et tout. Et même avec trop de peur que j'allais souvent dans son bureau, mais finalement, je prenais ce courage et tout. Oui. Et quand j'ai donc commencé à fréquenter mon père, mon père m'a donc dit qu'écoute, il faut que tu reviennes à la maison. Il faut que tu rentres à la maison. Et finalement, il m'a laissé finir mon parcours scolaire. Et c'est comme ça que je suis rentrée chez mon père. Oui. Et quand je rentre chez mon père va m'enlever au lycée technique pour me rétrograder au lycée général Leclerc en classe de seconde parce que mon père était un grand mathématicien. Il était très fort en maths et en physique. Oui. Oui. Mon père, alors, qui se disait que non, comme lui, il est fort en maths, physique, chimie, il faut que moi aussi, je sois forte en cette matière. Oui. C'est comme ça que mon père me rétrograde. Il me ramène en seconde C. Parce que, comme avant d'être au lycée technique, j'étais au lycée Leclerc. Et tous mes camarades que j'avais laissés étaient déjà en terminale, même à l'université. Et moi, je suis rétrogradée. Et quand il me rétrograde comme ça du lycée technique, j'étais déjà en première où j'avais présenté le probatoire, mais je n'avais pas eu le probatoire. C'est comme ça qu'un beau jour, mon père me dit que, OK, étant rentré chez mon père, il me dit, écoute, j'étais inscrite au lycée Leclerc. En seconde C. Waouh, tu ne devais pas réagir. Tu devais accepter. Parce que quand mon père te parlait, c'était l'obéissance. Oui. Oui, c'est donc comme ça que j'ai recommencé à aller. Et j'avais même honte parce que tous mes camarades que j'avais laissés étaient déjà à l'université, certains en terminale. Oui. Moi, je me retrouve en seconde C. Oui. Et en n'étant pas forte en mathématiques et autres et tout, bon, mon année scolaire ne s'est pas bien passée, hein. C'est comme ça que j'ai dit à mon père que, écoute, moi, je n'en peux plus. Je ne veux plus aller à l'école. Je veux suivre une formation et tout. Mon père me demande, tu veux suivre quelle formation? Je dis, dans la coiffure et tout. Esthétique coiffure. Oui. Mon père me dit, écoute, tu n'es pas mon seul enfant. Je n'ai pas assez suffisamment d'argent pour t'inscrire dans une école de coiffure esthétique. Mon père m'a donc dit, va chez ta cousine qui est coiffeuse, tu vas prendre la coiffure. Et j'avais une sœur, parce que j'ai une sœur avec qui je suis même père, même mère. Elle aussi ici en France avec moi. Mais moi, comme j'habitais avec mon père, ma sœur avait refusé l'autorité parentale. Oui. Elle avait refusé la dictature de mon père et tout. Donc, elle vivait dans la rue, elle vivait dehors. Donc, ça fait que de temps en temps, donc, j'allais rendre visite à ma sœur. Et quand j'allais donc chez ma sœur et tout, moi qui étais casanière, moi qui étais une fille à papa et tout, c'est comme ça que j'ai commencé à aller en boîte de nuit. Moi qui ne connaissais pas les boîtes de nuit, j'ai commencé à y aller. Oui, là où nous sommes à quel, tu as quel, tu as quel âge à ce moment-là? Je ne sais même pas quel âge j'ai, peut-être que je dois dans les 21, 22 ans, hein. Oui. Et là, Oui. est-ce que tu expérimentes d'ailleurs les problèmes d'ordre spirituel que tu notes à ce moment-là? Non, je n'expérimente rien du tout. Oui, avançons. Rien, oui. Oui, avançons. Je suis encore la petite fille qui est naïve, qui vit sous le toit des parents. Voilà, je Oui. n'expérimentais rien du tout, oui. Et comme j'avais ma sœur, même père, même mère, avec qui je suis, Oui. elle, comme elle ne vivait pas dehors, elle ne vivait pas dans la maison familiale, elle vivait dehors. Elle vivait avec ses copines, c'était la vie du monde, les boîtes de nuit, le copinage et autres. Et un jour, elle me dit donc, écoute, il faut que tu viennes passer la nuit avec moi. Je dis donc à mon père, je ne sais pas ce que j'avais raconté à mon père pour aller chez ma soeur, je ne sais plus. Je pense que je lui avais dit que je vais aller chez ma soeur, je ne sais plus, parce que pour raconter une histoire à mon père, il fallait se réveiller très tôt le matin. Et c'est comme ça, donc, un soir, je vais chez ma soeur et tout. Et c'était ma première fois d'aller en boîte de nuit. Oui, toute première fois d'aller en boîte. Non, je te raconte, j'oublie un petit détail. J'oublie un petit détail. comme j'habitais dans la maison familiale avec ma belle-mère, la femme de mon père, j'ai donc une tante qui vient de France. Oui. Elle me trouve là à la maison et tout. En discutant avec ma belle-mère, elle dit à ma belle-mère que, mais pourquoi ta fille dort beaucoup comme ça là? Bon, dormir, ça veut dire quoi? Je ne comprenais pas. Elle dit que, mais tu dors beaucoup, vous dormez beaucoup ici. Je dis que, mais qu'est-ce que ça veut dire que tu dors beaucoup et tout? Et bon, comme je ne comprenais pas, je suis donc allée vers ma belle-mère et tout pour lui demander que, mais pourquoi est-ce qu'elle dit que je dors? Ça veut dire quoi? Et ma belle-mère me fait donc dire que non, elle dit qu'elle dort parce que tu es tout le temps à la maison. Est-ce que tu penses un jour à te marier? Est-ce que tu penses à faire ceci? Parce que dormir, ça veut dire qu'il faut que j'aille me laver le corps. Oui. Peut-être que mon corps n'est pas bien. Oui. Peut-être que mon corps n'est pas bien parce que c'est pas normal. Je suis toujours à la maison, je n'ai pas un homme dans ma vie et tout et tout. Vraiment, c'est des choses que je n'y pensais pas. Donc, à ce Et comme moment-là, à ce moment-là, tu n'as pas de copain. à ce moment-là, si j'en avais, mais comme j'étais chez mon père, je n'avais plus. Je n'avais plus, j'avais coupé. Oui, mais Attends, attends, attends, attends, attends, attends, je réfléchis. Oui, Si mais... j'avais déjà connu les gars, j'avais déjà connu les hommes, mais Oui. en ce moment, je n'avais personne. Oui, je n'avais personne et tout. Oui. Elle dort beaucoup et tout. Je me dirige chez ma belle-mère pour lui demander que, mais qu'est-ce que ça veut dire dormir beaucoup? Ma belle-mère me dit que dormir beaucoup, ça veut dire que il faut que tu te cherches. Tu es une jeune fille, il faut que tu commences à te chercher. Et te chercher, ça veut dire qu'il faut que tu ailles dans les villages et autres te laver le corps. Mais c'est terrible. Voilà. Et moi, ne connaissant pas ce genre de choses, je demande donc à ma belle-mère que, mais toi, tu connais ce genre de choses? Elle me dit oui. Bon, à cet âge-là, à ce moment-là, où se trouve ta maman? Quelle est ta relation avec ta maman? Où se trouve-t-elle? Je n'avais aucune relation avec ma mère. Ma mère habitait à Douala parce que mes parents ayant divorcé, Oui. ils s'étaient séparés en conflit. Oui. Donc mon père avait interdit à ma mère de nous voir. Ok. Oui. Donc ça fait que ma mère, entre-temps, a refait sa vie à Douala. Oui. Oui. Et vous n'avez pas de contact. On n'avait aucun contact. Oui. Donc celle-là te propose, Oui. donc on te pousse déjà vers le village pour aller faire le lavage de corps. C'est-à-dire qu'on peut contacter des marabouts pour voir Voilà. dans Tout les à fait. cultures. Effectivement, oui. Oui, allons-y. Tout à fait. C'est comme ça, donc, je demande à ma belle-mère que, mais moi, ce genre de choses, je ne connais pas et tout. Elle me dit que, ah, si, ça existe, tu sais, tu vas dans les villages, parce que comme ma belle-mère est Manguissa, du côté des Etones là-bas et tout, Oui, Manguissa, c'est elle me dit que, oui. dans le centre. Dans la région Voilà, du oui. centre, oui. Elle me dit que, oui, il y a des villages pas loin de chez moi là-bas et tout. Oui. Il y a même une maman que je connais et quand je lui parlais même, c'est que ma tante lui avait même donné toutes les indications et tout. Et puis ma belle-mère qui me dit que oui, il faut que tu penses à ta vie et tout, parce que tu es une femme et tout. La naïveté. C'est comme ça qu'elle m'indique et tout. Je pars. Tu y vas seul. J'étais seule En dans allant la brousse. là, quelles sont tes intentions au juste? Tu vas faire quoi au juste? Je ne sais même pas où j'allais. Je sais juste que je dois aller me laver le corps. Peut-être que mon corps est sale. Oui. Oui. Tu en avais parlé avec ton C'est. papa? Tu en avais parlé avec ton papa? Non, puisque mon papa, en fait, comme mon père était sévère, Oui. avec mon père, c'était pas facile d'aborder mon Et père. là, vous faisiez cela en cachette, quoi. Voilà, effectivement, comme avec ma belle-mère, on pouvait lui dire tout. On pouvait parler avec elle de tout et de n'importe quoi, en fait. Elle était vraiment ouverte. Ok. Oui. Et là, tu vas dans la brousse à quelques kilomètres de Et Yaoundé. c'est comme ça que je vais dans la brousse, oui. J'étais dans un village, là, enfin, vers le côté des Etones, là-bas. Oui. Et quand je vais là-bas et tout, je rencontre des personnes dans la rue et tout, sur le même chemin. Oui, je cherche une maman qui lave le corps et tout. On me dit qu'elle est là-bas, elle est au fond, elle est. Oui. C'est comme ça que je marche et tout. Finalement, je me retrouve. Quand je vais donc, je rencontre une maman qui travaille avec des personnes. Je dis que voilà ce que je dis, hein, que je suis venue me laver le corps. Elle me demande, comme ça fait longtemps, je suis venue me laver le corps et tout, parce que je voudrais rencontrer quelqu'un. Voilà. Et elle a donc commencé à me. Elle m'a demandé de me déshabiller. Oui. Elle a fait un grand fût avec un tronc d'arbre. Oui. Et dans ce fût, il y avait plein d'herbes et tout. Et oui, et dans ces, et avec ces herbes-là, tu pars et te laves le corps et tout. Oui. Oui, tu ne te sèches pas le corps, tu laisses que ça sèche seul. Oui. Oui. Et quand elle a fini tout ça, je suis partie, je suis rentrée. Je suis... Quand elle a fini tout ça, je suis rentrée à Yaoundé. Donc, Oui. elle n'a pas fait la voyance ni des divinations en te Je ne disant sais d'aller dans mon même plus. aventure. Je ne sais plus, je me souviens plus comme ça fait longtemps. Oui. Oui. Et quand je rentre dans Yaoundé, ce week-end-là, je vais voir ma sœur. Oui. Ma sœur me dit, ou le week-end qui suivait. Je pense que c'est le week-end qui suivait. Ma sœur, quand je retrouve là ma sœur et tout, ma sœur me dit que, écoute, viens, on va en boîte et tout. C'était ma première fois d'aller en boîte. Oui. Et quand je sors de la boîte pour rentrer, il y a un monsieur à distance qui me fixe. Oui. Et finalement, qui me fait signe, j'avais peur et tout. J'avais peur d'y aller et tout. Ma soeur me dit que, mais non, vas-y, vas-y, vas-y. Parce que comme c'était des filles du dehors, elle me dit, allez, vas-y, vas-y, c'est comme ça que je vais. Et le monsieur vient donc vers moi, il me dit bonjour, je dis bonjour. Il me demande s'il pouvait avoir mon contact. Je lui dis que moi, je n'ai pas de téléphone, je n'ai pas de numéro de téléphone et tout. Je vis chez mon père est sévère. Et Ton père vraiment comme une CV. petite fille naïve, voilà qui... Oui. Ton père CV Il était me en dit boîte que... de nuit. Voilà, oui, je suis... Voilà, c'est ça. Et c'est comme ça qu'il me dit que, OK, prends mon numéro et tu m'appelles. C'est comme ça que j'ai pris le numéro de téléphone et tout. Et j'étais avec ma soeur et une de ses copines. Et je dis à ma soeur que, ma soeur, qu'est-ce que je fais de ça? Quelqu'un vient de m'aborder, qu'est-ce que je fais? Elle me dit que, ah, il faut garder, il faut que tu l'appelles en semaine et tout. Oui. C'est donc comme ça que la semaine qui suivait, pas, je pense, quelques jours après, j'ai appelé le monsieur. Oui. Et quand j'ai donc appelé le monsieur, il m'a invité chez lui. Oui, quand je suis donc partie et tout, le monsieur était bien nanti et tout, plus âgé que moi. Voilà maintenant le problème que j'avais et tout. Je me dis, mais comment je vais me mettre avec quelqu'un qui est plus âgé que moi? Quand je fais dans la connaissance du monsieur, il veut un peu, il veut que je lui raconte ma vie, quoi. Mon parcours, mes parents, mes ambitions de vie. Et il me demande, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie et tout. Je lui parle donc de mon projet d'aller à l'école d'esthétique. Oui. Et il me dit que, OK, je vais voir ce problème et tout. Je vais d'abord voyager parce que c'est quelqu'un qui allait aux États-Unis régulièrement, en France et tout. Et quand je rentre donc, je raconte cette histoire à ma belle-mère. Que Alors, tu sais, il me tape. vous avez causé tout simplement comme ça, tu es rentré sans que rien ne se passe entre vous deux. Tu sais, je ne me souviens plus si quelque chose s'est passé le premier jour. Oui. Je pense que le premier jour, c'était le jour, premier jour de contact et tout. Oui. Le jour de connaissance, oui, il fallait faire connaissance et tout. Oui. Oui. C'est après, peut-être, que j'ai commencé à le fréquenter, oui. Oui. Que j'ai commencé à avoir des rapports sexuels avec lui. Oui. Oui. Et avant, donc, quand je l'ai donc rencontré et tout, quand je raconte donc cette histoire à ma belle-mère. Parce qu'en fait, avec ma belle-mère, je ne lui cachais rien. Je lui ai raconté cette histoire. Je lui ai dit, écoute, j'ai rencontré un monsieur et tout. Voilà. Elle me dit, bon, écoute, fais quand même attention. Oui. Bon, si tu as une petite fille qui est naïve comme moi, fais attention. OK. Et j'ai donc commencé à fréquenter le monsieur. Et par rapport à mon école d'esthétique et tout, je dis donc à mon père que j'ai rencontré un monsieur qui veut financer mon école d'esthétique. Mon père, quelle était la réaction de mon père? Mon père m'a demandé que ce monsieur fait quoi? Il est d'où? C'est tout ce que mon père avait posé comme question. Oui. Oui. Et comme je me souviens à l'époque aussi, mon père me disait que oui, les filles de ton âge sont déjà mariées, toi tu es encore ici à la maison et tout. Bon, quand j'avais donc raconté ça à mon père n'avait pas réagi dans la négativité, quoi. Oui. Et c'est comme ça donc que le monsieur avait voyagé. Et quand il est rentré de son voyage, il m'a donné l'argent cash qu'il fallait pour financer l'école d'esthétique. Oui. L'école d'esthétique coûtait cher à l'époque, c'était à Tinga, à Élysée-Marbeuf. Oui. Et C'est comme ça que j'ai commencé à aller à l'école, à suivre ma formation. Oui. Oui. Sortant Et entre-temps. de votre maison et ton papa, ça va que donc tu as été inscrit là-bas. Oui. J'allais à l'école tous les matins. Je rentrais le Il soir. n'a pas cherché à rencontrer le monsieur. Jamais. Jamais et tout. Et autre chose, Et oui. est-ce que tu mettais une corrélation entre le fait que tu te sois allé que tu sois allé te laver avec le fait que tu avec cette rencontre-là. Tu as mis une corrélation avec cela? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé? Ça, à l'instant, tu sais, à l'instant, tu ne penses pas. C'est plus tard. À l'instant, tu ne penses pas. Bon, avec le recul Parce maintenant, que tu sais, avec le comme recul. j'étais dans un environnement où, en fait, tu sais, l'environnement, c'est l'environnement dans lequel j'étais. Oui. Parce que le fait que j'ai commencé à fréquenter ma sœur, Oui. qui vivait aussi avec eux, elle avait une amie qui était plus âgée qu'elle, et c'était un peu des filles du dehors, Oui. qui fréquentaient les marabouts, qui fréquentaient et tout. Oui. Et qu'est-ce qui me pousse même à faire ce genre de choses et tout? C'est qu'un jour, ma sœur m'appelle. Ma soeur m'appelle, elle me dit que, écoute, j'étais chez une dame qui fait la voyance, elle m'a dit que tu as beaucoup de poisse. Oui. Oui, que tu as beaucoup de poisse dans ton corps. Quand t'as fait trop de choses. Oui. Avant que je ne commence même à aller chez la dame, hein, Oui. où j'étais allée au village là. Un jour, je suis lui avec ma soeur et tout, elle me dit que oui, je suis allée voir une dame et tout, qui m'a parlé de toi. Elle me dit que tu as beaucoup de poisse, tu as beaucoup de problèmes et tout. Bon. Elle m'a raconté ça, ça commençait à me perturber. Mais je suis restée tranquille et tout. Oui, ça me perturbait vraiment. Et là, quand que tu peux voir finalement, voir cette dame, on te lave, tu te rencontres une personne qui te drague et puis décide de te financer l'école. Et là, je voulais te poser la question tout à l'heure. Est-ce que, Oui. avec le recul, tu penses que c'était la chance, comme on dit, ou bien c'était l'envoûtement? Non, avec du recul, j'ai compris que c'est les œuvres des ténèbres, en fait. Oui. Bon, mais pour te dire, j'avais vraiment pas, je ne pensais pas encore à ce côté-là. Oui. Je me disais juste que j'ai que, oh, je suis allée me laver le corps quelque part, ça a marché. Comme j'étais dans ce milieu, en fait, fréquentant ma sœur, Oui. fréquentant sa copine, tu vois, hein? Voilà. Et elle qui connaissait ce genre de choses, et tout, c'est elle-même qui me disait que, waouh, mais où est-ce que tu es allée? Là où tu es allée, ça a marché, quoi, tu vois, hein? Là où tu es allé, mais la femme là, elle a bien travaillé sur toi. Tu comprends? Et comme je ne réfléchissais vraiment pas encore, quoi. Oui. Et c'est comme ça que voilà, le monsieur a commencé à financer mon école et tout. Et j'ai commencé à. Il m'invitait tout le temps chez lui, mais non, il n'était pas marié. Mais il était bien. Il était bien, bien entier, en fait. Oui. Et Donc. comme j'étais une fille curieuse, parce que je lisais beaucoup. Je lisais beaucoup. Et j'ai constaté que, bon, peut-être que c'était la première fois. Peut-être vu la modestie dans laquelle moi je vivais. Et j'ai connu un monsieur qui vivait un peu, bon, je ne sais pas si c'était l'opulence, mais qui avait des moyens. Oui. Et le jour où je suis entrée dans sa chambre, j'ai commencé à regarder beaucoup de choses qui ont commencé à m'alerter, en fait. Oui. La première chose que j'ai vue, c'était une boule de cristal. Oui. Oui. Ensuite, je voyais des livres sur la réincarnation. Oui. Oui. Ensuite, je voyais beaucoup de photos de la Vierge Marie. Oui. Oui. Sous toutes les formes de la Vierge Marie et tout. Bon, je regardais ça pourquoi? Parce que comme ma belle-mère, c'était une femme qui priait, elle avait tout le temps la Bible, elle allait tous les dimanches à l'église. Je suis au téléphone, s'il te plaît, où tu vas dans la chambre? Et comme elle allait à l'église, c'est comme ça qu'elle faisait aussi beaucoup de chapelets. Oui. Moi, c'est la boule de cristal qui a commencé à m'intriguer et tout. Parce que quand j'ai vu la boule de cristal, mais j'ai regardé, mais tu es aveugle, tu es aveugle, tu es dans l'aveuglement en fait. Oui. Et je parlais de ça avec ma soeur. Oui. Ah, ok, quand tu entrais, tout ce que tu observais, tu disais à ta soeur alors. Non, je ne disais même pas ça. Je disais juste à ma soeur que oui, voilà, J'ai rencontré tel master, il me dit que waouh, le monsieur là a l'argent et tout. Tu sais, l'environnement n'est pas bien. Et à cette La époque, mauvaise compagnie n'est pas bonne, n'est-ce pas? la mauvaise compagnie n'est pas bonne, oui. Parce que tu vois, moi, une fille qui sort de ses parents, de l'éducation de mon père où j'étais enfermée, parce que ma soeur est dehors, et je commence à vivre des choses que je ne connaissais pas, que je ne vivais pas. J'étais vraiment trop naïve. Oui, même par rapport à ce monsieur que j'ai rencontré, j'étais vraiment un bébé devant lui. Mais comme j'étais curieuse et je lisais beaucoup, de par mes lectures, j'ai donc découvert la boule de cristal. Je me suis dit que bon, qu'est-ce que ça, la boule de cristal, ça c'est pas bien ça. Et j'ai aussi vu des livres sur la réincarnation. Mais ce monsieur qui fait des... Bon. Et après, la rumeur. Pourrait filer dans la Rose-Croix. Parce qu'à l'époque aussi, ça, c'était récurrent au Cameroun. Oui, parce que comme la copine de ma sœur, c'est une fille du dehors, vraiment. Oui, c'était vraiment une fille du dehors. Et qui est même sortie avec le même monsieur. Oui, c'est ce qu'elle a avoué après. Qu'elle a aussi connu le même monsieur. Que c'est un monsieur qui l'a beaucoup gâté et tout. Gâté comment? Après. Bon, gâté financièrement, quoi. Ok. Donc, Oui. oui. Après, c'est un problème de jalousie qui les a séparés. Oui. Oui, parce que comme c'est un monsieur qui courtisait beaucoup les femmes et tout, c'est comme ça que c'était terminé. Et moi aussi, si tu veux, comme j'étais avec mes soeurs et ses copines tout le temps, qui me disaient que oui, tu sais, si tu veux garder cet homme et tout, voilà des choses qu'il faut que tu fasses et tout. J'ai dit que waouh. Faire quoi et tout. Elle me disait que non, il faut que tu prennes sa photo, tu amènes ça quelque part, là il va te gâter, il va te faire ci, il va te faire ça et tout. Oui. Oui. Et vraiment, et ce monsieur courtisait, alors il avait courtisé beaucoup de femmes. Hein. Moi, j'étais vraiment naïve. Tu vois une petite fille qui sort du cocon familial, qui découvre la vie du dehors. Dès que je découvre la vie du dehors, je tombe sur un monsieur. Mon cœur était encore vide. Donc, j'ai commencé à tomber éperdument amoureuse de ce monsieur où je souffrais même. Je souffrais parce que le monsieur n'était pas sincère avec moi. Il avait d'autres filles. Oui, il avait d'autres filles qu'il entretenait, avec qui, il vivait quoi. Oui. Et là, ta soeur ou bien ta copine te conseille de prendre la photo et aller l'envoûter pour qu'il puisse te donner de l'argent. Qu'as-tu fait Ah de ce conseil? oui. Elle me dit que oui, que ce monsieur est très frivole. Voilà le terme qu'elle explique. Elle me dit qu'il est très frivole. Dans le but, c'est de faire comme ça pour qu'il se concentre sur toi. Voilà, c'est pour qu'il se concentre sur moi et tout. Oui. Oui. Qu'as-tu fait donc? Elle me dit donc que oui, bats-toi, faut pas dormir et tout. Tu vois, c'est dehors que je commence à comprendre ces choses-là, à découvrir ces choses que non, c'est encore sur la deuxième personne, j'entends, mais faut pas dormir. Pourquoi tu dors? Il faut te réveiller et tout. Je dis donc, mais je vais faire comment? Moi, je ne connais pas ces endroits-là et tout. Et la femme de mon père, parce que mon père était polygame, j'ai oublié ce détail. Mon père était polygame. La femme qui m'a élevée, c'est une femme d'Akono-Linga, de l'Est en fait, de Batouri. Oui. Et mon père s'était séparé d'elle, ils avaient divorcé. Oui. Mais j'avais gardé le bon contact avec elle et tout. Oui. C'est comme ça donc que je vais la voir et tout. Je lui pose ce problème et tout. Elle me dit, écoute, mais va dans mon village, à l'est. Oui. Pour voir les pygmées. C'était même pas les Pygmées. C'était pas les Pygmées. Oui. C'est donc comme ça qu'elle me dit, avant d'aller dans mon village, il faut que tu ailles d'abord chez ma mère. Tu t'arrêtes chez ma mère et tout. C'est comme ça que je prends la voiture et tout. Oh, c'est-à-dire que quand moi-même je revois ces choses-là, les risques qu'on prend pour des futilités et tout. Et c'est comme ça que j'ai pris la voiture, je suis allée à l'est, à Batouri. Oui. Et je rencontre donc la mère de ma belle-mère en question et tout. Elle appelle donc un monsieur dans le village pour que le monsieur me guide dans la forêt. Oui. Et finalement, donc, j'ai pris la route avec le monsieur dans la forêt. Et tu t'imagines la forêt à l'est. La forêt à l'est, c'est la forêt. C'est-à-dire que tu Dense marches, et noir. vous faites des kilomètres et des kilomètres. Oui. Finalement, il m'a introduit chez un monsieur où j'ai trouvé aussi des personnes qui font des choses et tout. Oui. Et c'est quand je suis donc partie là-bas que, voilà, il a fait ce qu'il avait à faire. Oui. Oui, et puis je suis rentrée. Et tu es allé avec la photo de ce monsieur-là. Oui, je suis allée avec la photo de ce monsieur, oui. Et il a utilisé cela, il est resté avec sa photo ou quoi? Oui, il est resté avec la photo, oui. Il est resté avec la photo, oui. Après, il m'a dit, il y a une herbe là qui est comme l'oignon. Oui. Oui, je ne sais pas ce qu'il m'a demandé de faire ou d'attacher ça ou de faire, je ne sais plus. Oui. Je ne sais plus. Ça, c'est des choses vraiment qui font qui. Oui, à ton retour, dans la condition de vie ou la situation entre la relation entre toi et lui. Attends d'abord que je te raconte. Oui. Je quitte dans la forêt et tout. Le monsieur me dit. En rentrant, il ne faut pas que tu te retournes. Oui. Ne te retourne pas et tout. Parce que le monsieur qui m'avait m'accompagné là, il est reparti. Donc, il m'avait laissé seul. Maintenant, il m'avait donné un guide là pour me guider. Pour En fait, retourner. le guide là devait me faire me sortir de la forêt pour que j'arrive à un endroit maintenant où je pouvais me retrouver et marcher seul. Oui. Oui. Et pendant qu'on était en train de marcher dans la forêt comme ça, il y a quelque chose qui a fait un bruit, crac, et je me suis retournée. Pour regarder, mais qu'est-ce qui fait du bruit et tout. Bon, moi je suis rentrée dans le village Oui. et j'ai pris la voiture pour rentrer à Yaoundé. Quand je suis rentrée à Yaoundé, oui, parce que le monsieur me dit, voilà, il me dit, dès que tu arrives à Yaoundé, appelle le monsieur, appelle ton ami en question. Quand j'ai appelé le monsieur en question, c'est les problèmes que j'avais cherchés. Lui, il était où en tout temps? Qui, le monsieur? Oui. Lui, il était à Yaoundé. Oui. Oui, mais comme c'est quelqu'un que je ne voyais plus régulièrement aussi. Oui. Oui, je ne voyais vraiment plus régulièrement. C'est lui qui décidait quand est-ce qu'on devait se voir. Oui. Oui. Et maintenant, je faisais même des semaines, même des mois sans le voir et tout. Et quand je l'appelle donc et tout, c'est les problèmes que je trouve. Des problèmes de. Il me raconte une histoire de commérage qui n'a pas de sens et tout. Oui. Venant de la copine de ma sœur. Oui. La copine de ma sœur dont je t'ai parlé, Oui, qui a une relation avec lui. Donc, je ne sais pas ce que la copine de ma sœur allait lui raconter. Oui. Et quand moi je l'appelle comme ça, il me reçoit avec ce problème-là. Oui. Et c'est comme ça, donc, qu'il me demande de venir chez lui de toute urgence. Il me raconte donc une histoire qui n'a pas de tête ni de queue. Je sais pas si tu comprends. je comprends très bien. Donc, ça veut dire que cette histoire-là, tu ne te retrouves pas là-dedans. Non, je ne me retrouve pas dedans, je n'y comprends même rien du tout. Il me raconte donc juste une histoire qu'il a rencontré une fille Chantal, et Chantal, c'est la copine de ma sœur, Oui. qui lui a raconté une série de choses et tout. Et c'est la copine de ma sœur qui m'a dit, prends sa photo, va-toi, va faire ce que tu dois faire. Et c'est elle qui part raconter le boba là-bas encore. Voilà, et c'est elle qui a encore allé raconter les bobards là-bas, et c'était la fin de mon histoire avec ce monsieur. Oui. Et là, quand le monsieur, celui de la brousse de la forêt, t'a dit que quand tu arrives à Yaoundé, appelle-le. Le but de l'appeler, c'était pourquoi? Le but, je ne sais pas, je ne sais pas le but. Peut-être le fait que j'allais l'appeler, je ne sais pas. C'est eux qui savent dans les histoires qu'ils font. Oui. Mais il ne t'a pas dit C'est. que ça. Il a fait le travail pour que ça marche, pour que qu'il soit envoûté, qu'il soit Oui, convaincu. effectivement, pour que ça marche, oui, parce que je lui avais raconté que, en fait, c'est quelqu'un que je ne voyais plus et tout. Oui. C'est quelqu'un qui avait financé mon école de formation, et mon école de formation, c'était 2 ans. Oui. Donc, il avait financé la première année. Oui. Oui. Après ça, quand je suis rentrée de l'Est et tout, Oui. c'était la cata, quoi, c'était la catastrophe. Donc, c'est plutôt le contraire de ce que tu espérais. C'était le contraire de ce que j'espérais, c'est-à-dire que c'est même les problèmes que je suis venue trouver. Oui. Oui. Et c'était vraiment la fin. Oui. Et là, C'était la fin de. ta copine dont tu as appelé Chantal, qui était Ce n'était l'inquiétude. même pas ma copine, c'était la copine de ma La sœur. copine de ta soeur, oui. Et vous vous êtes vus, vous en avez Oui. parlé. On ne s'est même pas vu parce que c'est même à ma sœur que moi, c'est avec ma sœur que je discutais beaucoup et tout. Parce que comme c'est la copine de ma sœur, elle était vraiment plus âgée. Tu vois? Oui. Donc, je ne sais pas ce qui s'était passé. Et donc voilà la fin de l'histoire avec ce monsieur. Oui, voilà la fin de l'histoire avec ce monsieur qui m'a traumatisée. Puisque tu étais tombée amoureuse avec ton jeune âge, faut la Voilà, remercier. effectivement. Et oui, et je pense aussi à mon école et tout. Oui. Oui, puisqu'il avait financé un an, la deuxième année, il ne voulait plus financer. Et Oui. puis, ce n'était même pas totalement fini parce que si tu veux maintenant, c'est lui qui décidait de m'appeler comme il voulait. Et puis un jour, il avait décidé que c'est terminé. Oui. Oui. Mais maintenant, je vais un peu te raconter ma vie un peu avec lui quand j'étais avec lui. Oui. Parfois, il m'invitait chez lui et tout. Il me laisse seule dans son appartement. Il revenait peut-être à minuit. Bon, je ne sais pas. Est-ce qu'ils allaient faire du sport? Est-ce que je ne sais pas? Vraiment, je ne peux pas te dire. Oui. Je ne peux pas te dire. Ou parfois, il devait recevoir des gens chez lui. Il me laissait seule dans sa chambre, dans l'obscurité. Il reçoit ses invités au salon. Oui. Et quand je me suis séparée de ce monsieur, j'ai été traumatisée et hantée. Son image me hantait. Hanté comment? Je ne sais pas, je le voyais partout en fait. Je ne voyais pas partout, je le voyais partout. C'est comme ça que je ne sais pas ce qui m'a fait prendre la Bible. Je suis allée prendre la. J'ai expliqué ça à ma belle-mère. Oui, ma belle-mère me disait que oui, il y a une rumeur qui court que ce monsieur devait être dans les sectes et tout, quoi. Oui. Parce qu'elle-même, elle a son frère, parce qu'elle avait parlé de ça à son frère. Son frère lui dit que oui, je connais très bien ce monsieur, effectivement. La rumeur pour qu'il est dans, à la rose croix. Oui, bon. La rumeur, c'est vrai qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et quand j'ai terminé ma relation, c'est fini entre nous, j'ai été traumatisée. C'est-à-dire que c'est comme s'il hantait mon esprit. Oui. C'est comme ça que tous les jours, à une certaine heure, je priais, je prenais la Bible, je lisais les psaumes. Oui. Et en même temps, pendant que tu sortais avec lui, tu étais à l'église catholique, comme tu as dit dès le départ. Oui. Donc tu partais forniquer et tu partais à l'église catholique le dimanche. Non, est-ce que j'avais. Attends. Non, est-ce que j'allais même à l'église? Non. Mon père était protestant. Oui. Mais Mon père était tu protestant. ne partais pas protester avec lui. Si, mon père nous obligeait à aller à l'église. Bon, maintenant, je ne sais plus si j'étais encore très, très régulière à l'église. Je ne sais plus. Oui. Si, je pense, si j'allais à l'église. Et en forniquant, tu partais à l'église, mais tu forniquais. Voilà. Oui, je faisais toutes ces choses-là, oui. Et. C'est comme ça donc j'ai commencé, son image a commencé à me hanter et tout. Je me levais dans une certaine heure dans la nuit, je lisais la Bible. Le Je but de lisais lire, la Bible et tout, les psaumes beaucoup plus. oui, le but de lire la Bible en ce moment-là, c'est de chercher cette image qui te hante, c'est ça? Voilà, oui, c'est ça en fait. Avançons. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris la Bible, mais bon. Je prenais cette Bible pour chasser cette image-là qui me hante et tout. Oui. Et puis un jour, c'est parti, l'image était partie, je ne recevais plus rien et tout. Et j'ai continué le cours de ma vie. Attends, quand l'image venait dans ton esprit, qu'est-ce qu'il faisait? C'est que l'image venait comment? Chaque fois que je voyais cette image, mon cœur battait. J'avais le cœur qui battait. Je n'étais pas bien. Oui. Je n'étais pas bien et tout. Et je prenais la Bible. Je lisais les psaumes. Je lisais les psaumes et tout. Et j'allais me coucher. Et J'ai peut-être. après quand l'image est partie, quand ça a disparu, quelle était ta relation avec la Bible donc? Quelle était ma relation avec la Bible? Quand c'était parti, j'ai aussi laissé la Bible. Tu as dit ouf, bon débarras. Oui, j'ai aussi laissé. Oui, j'ai laissé la Bible, mais pas totalement. Tu sais, la Bible, en fait, je prenais un peu parfois, je lisais, je laisse. Je prends un peu, je lis, je laisse. Oui, voilà un peu ce que j'avais. Et puis j'ai continué le cours de la vie et tout. Et après ça, après l'école de formation, qu'est-ce que j'ai fait? Après mon école de formation, je suis un peu en train de me. Qu'est-ce que j'ai fait Alors, après? quand ce monsieur te lâche la deuxième année, qui paye dans l'école quoi la La formation? deuxième année, je ne continue plus l'école de formation Donc, puisqu'il n'y avait plus personne pour la financer, oui. ta formation cesse là comme ça. Ma formation cesse là comme ça. Entre-temps, donc, je veux chercher du travail, en fait. Oui. Oui. Entre-temps, je veux chercher du travail. Et entre-temps, donc. Je vais à Douala chez ma mère, voilà. Et pour ton père, vous avez mis en contact, ou bien, enfin, dès le départ, tu as dit qu'ils vous avaient J'étais interdit Si, j'étais déjà en contact avec ma mère, puisque je t'ai raconté que. Attends un peu, attends, oui. J'avais déjà eu le lien avec ma mère parce que quand j'avais quitté le lycée technique, Oui. je suis rentrée chez mon père. Oui. Oui. Entre-temps aussi, n'habitant pas chez ma mère, mais on était en contact. Oui. Oui. Oui, bon, après la cessation de cette relation avec ce monsieur-là, est-ce que tu as commencé à expérimenter, hormis l'affaire de l'image là qui s'imprégnait dans ton esprit et dont la lecture de la Bible des Psaumes à répétition a pu évacuer cela. Hormis cela, est-ce que tu as eu à expérimenter d'autres problèmes, d'autres spirituels, même physiquement, la physiologie et autres? Non, non, non, non, non, je n'ai pas eu ça. Oui, Non. oui. Et donc là, tu descends voir ta maman à Douala. Oui, c'est-à-dire que là, je reprends le cours de ma vie normale. Oui. Oui. Non, je ne sais même pas. Attends, attends, je te raconte. Tu sais comme ça fait très longtemps. Je suis en train de revoir dans ma tête. Oui. Après ça, non, après ça, je suis restée tranquille dans la maison familiale. Je suis restée tranquille. Je pense que je ne faisais rien. Oui, je ne faisais rien. Oui. Et c'est comme ça qu'un jour. C'est comme ça qu'un jour, je suis à la maison, j'ai une amie de ma soeur qui vient me rendre visite, qui vient me voir. Là, cette même soeur qui est dehors là. Oui, cette même soeur qui est dehors, oui. Et elle est venue avec quelqu'un. Oui. Elle était avec un de ses amis. En fait, voilà, elle venait me présenter un article qu'elle vendait. Ça, c'est maintenant après des, je pense qu'une année ou 2 années étaient passées, hein, où j'avais encore, bon, repris le cours de ma vie et tout. Oui. Parce que là, mon père n'était plus sévère. Mon père n'avait même plus le temps de me gérer. Mon père menait sa vie. Mon père menait sa vie et tout. Donc, mon père n'était plus celui qui me contrôlait. Oui. Mon père n'était plus celui. Non, non, non, non. Il avait vraiment changé. Oui. Oui. Donc, maintenant, si tu veux, la porte m'était ouverte, quoi. Oui. Mais je ne devais pas rester dehors jusqu'à 18 heures. 18 heures, je ne vais pas me trouver dehors parce que si je suis dehors jusqu'à 18 heures, j'ai des problèmes avec mon père et tout. Oui. Mais mon père savait déjà que, parce que mon père m'avait amené à l'hôpital, le médecin lui a dit que de ce côté-là, c'est fini, quoi, laisse tomber. Oui. Et c'est donc comme ça que je suis à la maison un jour, j'ai une des copines de ma soeur qui vient me présenter un article qu'elle vendait. Et elle en compagnie d'un de ses amis. Elle est en compagnie d'un de ses amis que je reçois dehors. Il n'entre pas dans la maison parce que mon père interdisait cela. Que vos amis, c'est dehors. Oui. Oui. Et c'est comme ça donc que elle vient donc me présenter l'article et tout. Elle me présente donc la personne avec qui elle est. Et la personne lui dit que waouh, mais quelle est cette jolie petite fille-là? En plus, une fille de famille et tout. Elle lui dit que ah, laisse tomber, c'est la sœur, c'est la sœur de Natacha. C'est comme ça que ma sœur s'appelle, la sœur de Natacha et tout. Et c'est comme ça qu'eux, ils rentrent. C'est comme ça qu'eux, ils rentrent à la maison. Et comme il y avait le téléphone fixe à la maison, Oui. elle m'appelle donc et me dit que, écoute, le jeune monsieur avec qui j'étais s'intéresse à toi. Il me trouve bien. Il trouve que tu es une petite fille de famille et tout. Lui ne vit pas ici, il vit aux États-Unis. Et tu sais qu'à l'époque, dès que tu entendais que quelqu'un vit aux États-Unis, Ouais. cogite, tu es déjà, voilà. Tu es agité dedans. Agité effectivement. Elle me demande donc, écoute, est-ce que tu as un ami? Je dis non, je suis seule. Et c'est comme ça donc que ce monsieur, il était jeune. Ce monsieur, bon, Oui. plus jeune, bon, il était un peu plus âgé que moi. Oui. C'est comme ça qu'il m'invite donc, il m'invite prendre un café, à boire. On fait donc connaissance et tout. Et de connaissant pas ces milieux, je retombe encore dans le milieu des boîtes de nuit, dans la vie du dehors, la vie du. Je retombe dans les boîtes de nuit. Il n'y a pas eu de psychose par rapport à l'événement que tu as vécu un an plus tôt avec Non, l'autre non, jeune il n'y a monsieur. rien eu. Il n'y a rien eu. Ma vie a continué à redevenir normale et tout. Oui. Mais je n'avais vraiment plus rien. Tout était parti. Oui. Oui. C'est donc comme ça que je rencontre, je fais donc la connaissance de ce gars Bamileke qui vit aux États-Unis et tout. Je me mets avec lui. Oui. Oui. Et je tombe même enceinte parce que le jour où il part, parce qu'il devait rentrer, il était venu en vacances au Cameroun. Le jour où il rentre aux États-Unis, il me demande de l'accompagner à Douala parce que c'est à Douala qu'il devait prendre son vol et tout. Mais dans cette nuit-là, nous, on a eu des rapports sexuels et tout. Bon, moi, je ne savais pas que c'est l'enfant qui entrait ce soir-là. Le soir où il partait. Oui, le soir où il partait aux États-Unis, oui. Oui. L'enfant est entré, il est rentré, oui. Après, dans des mois, je me retrouve, je constate que mais je ne vois pas mes règles. Oui. Et c'est là où je constate que je suis enceinte. Oui. Je vais donc, je l'appelle parce que comme il m'appelait, on avait gardé le contact et tout, il m'appelait. Je lui fais donc savoir que voilà, je suis enceinte. Il me dit que ok, il n'y a pas de souci, tu vas garder l'enfant. Oui. Je vais essayer de t'envoyer de l'argent tous les mois pour que tu puisses Prendre soin. prendre soin, oui. Et entre-temps, donc, j'ai continué à le faire et tout. Et mon père, ne sachant pas que j'étais enceinte, je vais quand même me confier à ma belle-mère que voilà, je suis enceinte et tout. Oui. Et mon père n'était pas au courant, hein. Entre-temps, mon père avait, on avait une domestique à la maison qui, chaque fois qu'elle venait au travail, elle avait toujours des mini-jupes. Oui. Elle avait toujours des courtes robes. Et j'oublie encore un détail. Mon père, qui était dans la polygamie, vivait dans la polygamie à cet instant-là. Oui. Chaque femme avait sa chambre. Oui, dans la maison là où tu habitais. Dans la maison, là, oui, parce qu'il avait agrandi la maison. Oui. Il a donné à chaque femme son côté. Oui. Oui. Et un jour, donc, je vais à l'hôpital et je rentre. Quand je constate que le gardien n'était pas dehors et tout, bon, je trouve que le portail est ouvert. Moi, je entre. Et quand j'entre dans la maison, je trouve qu'il n'y a personne dans la maison. Je trouve que la table a été faite, mon père a fini de manger, mais la maison est dans un désordre, pas de ménage, la cuisine est sale. Je vais donc dans ma chambre et tout, et la chambre de mon père était à côté de ma chambre. J'entends donc des bruits dans la chambre de mon père, je me dis, mais bon, je n'ai vraiment pas pensé à rien, mais quand je suis entrée dans ma chambre, j'ai laissé ma chambre ouverte pour voir s'il y a quelqu'un dans la chambre de mon père, la personne va sortir. Et quand je suis dans ma chambre comme ça, je vois la femme de ménage qui sort de la chambre de mon père. Waouh! Je me dis que, hey! Mais qu'est-ce qu'elle fait dans la chambre de mon père et tout? Je dis que, ah bon, je comprends maintenant son comportement dans cette maison et tout. Parce que tout ce que mes mamans lui demandaient de faire, elle ne faisait plus, elle répondait arrogamment et tout. Je me dis maintenant, je comprends d'où vient son arrogance et tout. Donc, c'est ça qui se passe dans cette maison. Moi, je voulais protéger ma belle-mère pour lui dire que, attention, faites très attention parce qu'il y a une troisième femme qui va entrer dans votre maison si vous ne faites pas attention, si vous n'ouvrez pas les yeux. Je fais dans le rapport à ma belle-mère que je suis Mais arrivée à la maison à quelle heure. les deux et ton père est à cette bande-là, on suit que tu les as vus. Oui, oui, parce que quand mon père m'a vu, ah, ma fille, tu es rentrée. Oui, mon père était gentil avec moi. Pour une fois. Oui. Une fois, oui, je me dis que la gentillesse là-dedans, c'est ça que tu fais dans cette maison avec la fille ici. Je comprends pourquoi, quand elle vient au travail, elle a des mini-robes, elle a des mini-jupes. Et comme j'avais mes voisins, ceux qui étaient des garçons avec qui je m'entendais bien au quartier, ils me disaient tout le temps que Sandrine, la domestique, c'est. Hein, faut faire attention, hein, faut avoir l'œil sur elle parce que les vêtements qu'elle porte là, faites attention. Et quand moi j'avais donc décelé cela et tout, Et là, tu es enceinte aussi. oui, là aussi, moi aussi, je suis enceinte. Je ne portais que les kabas. Mon père n'était au courant de rien. Oui. Maintenant, quand ma belle-mère rentre le soir, je dis à ma belle-mère que faites très attention. Ouvrez les yeux sur votre ménage. C'est vrai, vous travaillez toutes les deux. Je ne m'entendais pas avec l'autre. C'est avec ma belle-mère. C'est vrai, vous travaillez. Mais si vous ne faites pas attention, Et là, tu lui expliques la oui, scène. Tu lui expliques la scène. j'expliquais la scène à ma belle-mère. C'est de là où ma belle-mère me dit que je comprends pourquoi cette fille est tellement arrogante. Quand on lui demande même de travailler, elle ne travaille pas. Elle fait comme elle veut. Tu arrives à la maison à 13 h, toute la maison est encore sale. Oui, parce que effectivement, elle passait le temps à discuter avec mon père. Ils passaient leur temps à faire ce qu'ils avaient à faire. Et c'est comme ça que ma belle-mère, donc, s'entend avec l'autre femme pour chasser la domestique. Oui. Quand la domestique est donc partie, mon père veut savoir pourquoi est-ce qu'on a chassé la domestique. Mon père rentre un soir, parce que mon père c'était aussi un homme de nuit. Quand il finit le boulot, il rentre, il dort, il est dehors. Il rentre à minuit, 1 h, 2 h du matin. Quand il rentre dans la nuit et tout, il claque toutes les portes. Il veut savoir pourquoi est-ce que la domestique est partie de cette maison. Oui. Il savait déjà, hein, parce que sa femme lui avait déjà révélé tout ce que moi je lui avais dit. Oui, il savait déjà. Je veux savoir, vous allez m'expliquer pourquoi est-ce que la domestique est partie de cette maison et tout. Waouh, c'est comme ça que dans mon état, j'étais mal. Je me dis, j'ai dévoilé un secret. Peut-être qu'il fallait que je le garde. Comme vous ne voulez donc pas parler, mon père m'appelle donc. Non, c'est ma belle-mère. Non, non, non, c'est mon nom. Mon père m'appelle. Il me dit, oui, toi, viens ici, là. Thérèse, c'est comme ça qu'il appelle sa femme. Thérèse, viens ici. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Pourquoi est-ce que la domestique est partie? Oui, Agui m'a dit que, parce que, en fait, c'est le petit nom qu'on m'appelait Agui. Agui m'a dit qu'elle est ta surprise. Waouh! Mon cœur était tombé dans le ventre. Mon père m'a chassé de la maison à minuit. Et en même temps, elle révèle donc à mon père que je suis enceinte. C'est là où mon père m'a dit dehors, sors de chez moi. Sors de ma maison à minuit. Mon père m'a mis dehors et tout. Et c'est comme ça que je vais toquer chez mes voisins avec qui je m'entendais beaucoup. Je leur ai dit que c'est fort chez moi là. Mon père m'a mis dehors. À cause de, et à cause de ce pays. Ils m'ont donc dit que, ok, viens dormir à la maison et tout. Et comme je ne voulais pas que mon père sache que je suis dans le quartier, je me suis réveillée très tôt le matin. Je suis allée à Essos chez sa tante, chez la tante de mon père et tout. Je lui dis que papa m'a mise dehors de la maison. Et quand elle, je suis arrivée là-bas, elle ne savait pas que j'étais encore enceinte parce que ma grossesse ne se voyait pas. Je pense que j'avais fait 1 mois ou 2 mois ou 3 mois chez ma tante et tout. Elle a donc décidé que, ah, mais Agui, tu es là depuis, tu es enceinte et tout. Elle me dit, écoute, c'est pas un souci. Je pense que c'est pour ça que je lui donne, moi, je lui avais déjà raconté. Mais je n'avais pas raconté le détail de la grossesse. Oui, elle même a constaté que j'étais enceinte. C'est donc comme ça, donc, que je suis là-bas et tout. Et j'ai la sœur de ma mère, qui habitait à Kribi, qui vient donc me chercher, qui me dit que, écoute, j'ai appris que ton père t'a mise dehors et que tu es enceinte. Viens à la maison, nous, on va s'occuper de toi. C'est comme ça que ma tante, la sœur de ma mère, est venue me chercher. Et vous allez à Kribi. Oui, je suis allée à Kribi avec elle. C'est là-bas que j'ai accouché ma fille. À Kribi. Parce que moi-même, je suis de Kribi, en fait. En fait, c'est pas que je suis de Kribi. Mon village est sur la route de Kribi. Oui. Le village de ma mère est sur cette même route. Et à 5 km, c'est le village de mon père. Oui. Et ma tante, comme elle était logée donc à Kribi, elle me dit, écoute bien donc. Je t'emmène à Kribi. Là, nous trouvons donc là la principale la phase de ta vie où beaucoup de choses vont commencer à se passer maintenant. Voilà, tout à fait, oui. Avançons. Oui. Et c'est donc comme ça que je vais à Kribi, où je passe le temps là-bas et j'accouche. Et le père de ma fille revient dans des États-Unis et tout. Oui. Et quand il vient dans des États-Unis, il apprend que j'ai accouché parce que j'ai appelé sa famille pour lui dire que j'ai accouché. Et tu connais les Bamileke? Les Bamileke va dire que, il faut aller témoigner l'enfant là, parce que les filles, quoi là, peut-être qu'elle allait faire l'enfant avec quelqu'un d'autre, elle dit que c'est ton enfant et tout. Oui. Et c'est donc comme ça qu'il a envoyé Est-ce que tous les Bamileke sa sont comme tante. ça? Oui. Est-ce que tous les Bamileke sont comme ça, ma chère? Non, pas du tout. Oui. Et c'est comme ça donc, il envoie donc, sa tante est venue voir l'enfant. Est venu témoigner qu'il n'y a pas de souci, c'est la photo de votre fils et tout. Oui. Et le gars même est venu, il est venu passer, je pense, quelques jours avec moi. Oui. Acribi. Oui, à Kribi, oui. Où il venait, voilà, il s'occupait de ma tante, il donnait l'argent et tout, il s'occupait de l'enfant. Voilà, après il est rentré. Maintenant, il me dit que, écoute, il faut que tu rentres. Il faut que tu rentres à Yaoundé parce que tu ne vas pas rester ici. Moi, j'ai besoin d'être à côté de mon enfant. Maintenant, il fallait donner le nom de l'enfant, le nom à l'enfant. Ma mère, mon père s'opposent. Ils disent que non. Faut pas donner le nom de cet homme à l'enfant. Tu dis ton père qui t'a mis dehors, il Oui, s'oppose. puisque oui, mon père avait, lui, après que j'ai accouché, mon père est revenu, il était content que ma fille a accouché. Ils sont venus voir l'enfant, ma mère aussi, parce que tous, comme ils étaient fâchés, quand ils ont appris que j'ai accouché, ils sont revenus. Mon père est venu, il m'a laissé beaucoup d'argent et tout. Il me dit que voilà, prends soin de l'enfant, prends soin de toi. J'ai pris tout l'argent que mon père m'avait donné, j'ai donné à ma tante, de peur que ça ne cause de problème dans la maison et tout. Je me suis dit, c'est quand même eux qui m'hébergent et tout. C'est eux qui s'occupent de moi. Ma mère aussi est venue, elle a ramené les paquets et tout pour l'enfant. Oui. Maintenant, les deux discutaient, maintenant le nom, et on va donner le nom de qui? Ma tante vient donc me voir, elle me dit, écoute, ne fais pas cette erreur. Prends le nom de cet enfant, tu donnes à son père, parce que c'est son père. Et c'est ce que j'ai fait. On a donc fait en sorte que le père reconnaisse l'enfant. Mes Oui. parents se sont fâchés. Mon père s'est fâché. Mon père m'avait même promis la prison pour ça. Oui. Et quand on a donc fait l'acte de naissance, bon, maintenant, mon père ne savait pas quel nom est-ce qu'on avait mis sur l'acte de naissance. Mon père était convaincu que c'est son nom que j'avais mis sur l'acte de naissance et tout. Maintenant, mes parents viennent donc me chercher pour que je rentre à Yaoundé. C'est comme ça que je rentre dans la maison familiale. Oui. Et quand je rentre dans la maison familiale, est-ce que j'ai oublié un détail? Bon, à Kribi, oui, il faut que je parle, je pose des questions pour orienter cela. À Kribi, Oui. y a-t-il des événements d'ordre spirituel que tu observes tout autour de toi? Y a-t-il des alliances que tu fais, Non? des choses que tu fais, à quel endroit que ce soit? Non, il n'y a rien du tout. Oui. À Kribi, mon accouchement, j'ai eu un petit palu et puis on m'a conduit à l'hôpital, j'ai accouché normalement. Ok. Oui. Et puis je suis rentrée à la maison. Oui. Quittons dans le Oui. cadre familial et touchons le domaine spirituel. À quel moment tu commences à être en contact avec l'Église proprement dite au Cameroun Attends, et partout? je te raconte. Attends, il y a un détail que je vais te. Il y a toujours un détail dans mon parcours. Je te raconte maintenant mon parcours. Oui. C'est comme ça que je rentre dans la maison familiale et tout. Et dans la maison familiale, je commence à faire des rêves bizarres. Oui. Avant même ça, j'oublie même le côté des rêves. Oui. Quand j'habitais dans la maison familiale, même avant de tomber enceinte, je faisais des rêves bizarres. Comme si quelqu'un venait coucher avec moi. Je voyais tout le temps qu'une femme noire, une femme avec un foulard noir, habillée en noir, Oui. venait coucher avec moi. C'est pour ça qu'il t'a posé la question tout à l'heure de savoir, après la rupture avec cet homme-là, est-ce que tu observais des choses d'ordre spirituel? Tu as dit tout à l'heure non. Je pense même que c'est avant même que lui, avant que je le connaisse. Oui. Oui. Avant que je le connaisse, je me souviens, je vois encore cette image-là, Oui. où dans ma chambre, on avait des lits à étage et tout, Oui. et moi, mon lit était en bas. Oui. Oui. Et avant ça, je faisais déjà des rêves bizarres, en fait. Oui. Oui. Parfois, je rêvais même que quand je suis au lycée comme ça, quand j'étais au lycée, hein, je rêve la nuit que, voilà, quelqu'un vient coucher avec moi. Comme j'avais un petit copain au lycée. Oui. Parfois, quand je dors dans la nuit, je vois son image. Oui. Comment il est nu, comment il vient coucher avec moi. Oui. Et J'avais déjà ces. ça te dérangeait pas? Non, ça ne me dérangeait pas. Un jour même, j'ai raconté ça à ma mère. Oui. J'ai dit à ma mère que maman, je ne comprends pas. J'ai fait des rêves bizarres, comme si quelqu'un venait me coucher avec moi dans la nuit. Elle me dit que, oh, ma fille, tu fais des fantasmes et tout. Oui. Oui, c'est ce que ma mère m'avait dit. Ok. Et là, maintenant, vous quittez Kribi pour la maison familiale à Yaoundé, chez son Non, et père. puis, attends, je te raconte encore un autre détail aussi. Oui. Et quand j'étais à l'école d'esthétique aussi, Oui. tu sais, entre filles, ça bavarde beaucoup et tout. Oui. Et comme j'étais avec des grandes filles à l'école d'esthétique, il y a une qui a donc posé ce problème-là. Que pendant qu'elle est dehors et tout, elle rêve qu'il y a un monsieur qui vient la coucher, il y a quelqu'un qui vient la coucher. Et il y a une fille Bassa qui a dit que quand vous faites ce genre de rêve, cherchez un prêtre exorciste. Oui. Moi, je ne connaissais pas les prêtres exorcistes. Je sais que tu allais les trouver où je ne connaissais rien. Oui. Et j'ai donc continué à faire ce genre de rêve. Oui. Oui, les rêves de couches de nuit. Oui. C'est plus tard que j'ai appris qu'on appelle les couches de nuit. Oui. Oui. Même quand je suis rentrée, après avoir accouché, je suis rentrée dans la maison familiale. Je faisais toujours ce genre de rêve. Est-ce qu'à Kribi, tu as expérimenté dans cela? À Kribi, non, je ne vis, je ne, non. Oui. Et quand tu es chez ton père, À Kribi. tu rentres chez ton père à Yaoundé, Oui. tu À l'expérimentes. Kribi, je n'expérimente pas cela, oui. C'est quand je rentre à Yaoundé dans la maison familiale que je commence à vivre ces choses-là. Oui, et comment tu gestes là? Tu sais, quand tu vas te confier à ta mère, quand tu ne connais rien, tu es un enfant. Moi, les prêtres, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas ce milieu-là. Donc, je savais que là, quand il m'arrivait un pépin, ma belle-mère, comme elle était ouverte, j'allais lui raconter cela. Oui. Elle aussi, elle ne pouvait rien t'apporter. Oui. Ma mère aussi, je vais lui dire, ma mère me dit que c'est des fantasmes que tu faisais. Oui. Tu vois? Ça veut dire que tu continues le cours de ta vie avec tout ça, tu ne comprends rien. Et tu ne sais pas que c'est une chose, c'est mauvais. Je ne savais pas, voilà, je ne savais pas que c'était mauvais. Oui. Et pendant donc moi, je rentre donc à Yaoundé et tout, voilà. Je continue le cours de ma vie où mon père me dit que, écoute, ma fille, tu as déjà un enfant. Oui. Il faut que je vais t'apprendre une autre vie. N'apprends pas à compter sur un homme. Oui. Apprends à compter sur toi. Oui. C'est comme ça que mon père avait donc une agence de voyage. Il me dit, viens travailler dans l'agence de voyage. Oui. Je commence donc à travailler à l'agence de voyage et tout. Bon, entre-temps aussi, je vais maintenant en vacances à Douala. Oui. Non, attends, non, les vacances de Douala, je pense que mon père était déjà décédé. Oui. Oui, quand je vais à Douala. Bon, je continue ma vie, normalement et tout, où j'essaie de me battre et tout, voilà. Et à Douala, je pense que j'avais arrêté de travailler pour mon père. Oui. Oui, parce que mon père, après, m'a envoyé à Douala travailler dans une de ses agences. Donc, il avait des agences partout, alors c'était l'agent quoi, Oui, interrégional. c'était des agences qui allaient à Ebolova, à Lolodorf, Kribi. Oui. Oui. Maintenant, il m'envoie travailler à Kribi où les conditions sont rudes. Oui. Oui, les conditions sont rudes et tout. Ma mère étant là, il m'envoie aller travailler chez son oncle et chez son frère. Oui. Finalement, je démissionne même de là et tout. Je démissionne même de l'agence. Parce que les conditions étaient rudes. Donc, on dit que ton père t'envoie travailler dans sa société, il te met dans des conditions difficiles alors qu'il veut que tu réussisses, quoi. Voilà, c'est ça. Et je suis avec un bébé. C'est comme ça que j'ai démissionné. Et l'agence même avait des problèmes, qu'on pensait avoir des problèmes et tout. Oui. Oui, c'est comme ça que je démissionne de l'agence et tout. Et à l'heure nous parlons, Oui. l'agence fonctionne encore? Non, l'agence est fermée depuis longtemps. L'agence n'existe plus. Ok. C'est comme ça donc que je rentre à Yaoundé. Oui, je rentre à Yaoundé. Là, Je vais habiter avec ma soeur. ok, donc tu rentres à Yaoundé, mais tu n'habites plus avec ton papa. Non, non, je n'habite plus avec mon père, oui. Je me dis que non, c'est bon là. Je vais habiter avec ma sœur et tout. Laquelle des sœurs, celle qui t'a induit dans le monde là? Oui, celle qui m'a enduit dans le monde parce qu'elle habitait déjà chez elle toute seule. Non, non, non, non, oh, non, non, non, non, non. On était à la recherche d'un appartement. Oui. Oui, parce qu'elle habitait aussi dans des conditions. Elle me disait qu'elle était fatiguée, elle en avait marre. Elle veut partir de là. Elle Oui. cherche un petit studio. Et là, vous voulez cohabiter une fois ensemble. Voilà, une fois, on a donc commencé à habiter ensemble et tout. Oui. Et pendant ce, bon, maintenant, je vais te parler les détails même de ma vie, maintenant. Oui. Et après, donc, je vais à Douala. Bon, du côté des Douala, ce sont des choses beaucoup Oui. spirituelles maintenant où tu vas commencer à y entrer, n'est-ce pas? Oui, maintenant, je te raconte un détail à Douala où ma mère m'a amené à un endroit où ce mot, je ne l'ai jamais oublié, exotérisme. Oui. Bon, dans ce Ma mère cas-là, m'a amené chez un monsieur qui fait l'exotérisme. bon, le cas de ta maman à Douala, on va voir cela dans la deuxième partie de ton témoignage, d'accord? Donc, à tout à l'heure, Oui. le temps que tu souffles un peu. OK.